pas te corrompre. Que tu es intègre. C'est un compliment. Est-ce que je peux ne pas venir te voir? Ne pas venir te voir comme tu me manques. Et que moins je te vois, plus je t'aime. Tu deviens une légende. Un rêve, une licorne, une sirène, une fée inatteignable, inaccessible. Comment aller caresser la lune? Impossible. Dans mon cœur, je suis fou de vous, très cher amour, amour. Bel étang.